Le 7 octobre, bon vendredi, bon midi tout le monde. Ici Dominique Lelièvre pour les informations. D'abord, un important projet immobilier voit le jour dans le quartier Limoilou. Selon Le Soleil, la société immobilière Miradas entend investir 20 milliards de dollars pour la construction de résidences à l'intersection du chemin de la Canardière et du boulevard des Capucins, tout près du cégep de Limoilou. Une première phase de 5 millions de dollars prévoit la livraison en juin prochain d'une vingtaine de maisons de ville sous la formule de location. Le promoteur s'est notamment associé avec un architecte bien connu dans le quartier, Éric Rivard, pour s'assurer d'être en harmonie avec le paysage limoulois, et une deuxième phase semblable devrait débuter l'an prochain, ainsi qu'une troisième phase qui prévoit la construction d'un immeuble de 5 à 6 étages en 2018. À l'Hôtel de Ville, Démocratie Québec prend le parti des citoyens de Saint-Sauveur qui veulent sauver le centre du Rocher. Les élus de l'opposition demandent à la Ville de Québec de suspendre le permis autorisant la démolition du bâtiment, démolition qui doit commencer sous peu. L'opposition croit que la Ville doit considérer le projet des citoyens de conserver le bâtiment, d'y installer une maison de la culture et de construire des logements sociaux sur un site adjacent. La candidate à la direction de Démocratie Québec, Anne Guérette, compte même participer à la manifestation citoyenne du 11 octobre. Rappelons que la Ville de Québec annonçait la semaine dernière la construction d'un immeuble de 68 logements et d'un point de service de la bibliothèque sur ce site patrimonial de la Basse-Ville. À l'international, l'ouragan Matthew n'est plus qu'à quelques kilomètres des côtes de la Floride. Les projections ne permettent pas de dire avec assurance si l'ouragan va toucher terre ou bien s'il va longer les côtes vers le nord. L'ouragan de catégorie 3 semble présentement se diriger vers Jacksonville. Il aurait fait déjà un mort en Floride. Plus de 600 personnes sont privées d'électricité présentement dans le sud-est des États-Unis. Il s'agit de l'ouragan le plus important dans la région en une décennie. Et entre-temps, en Haïti, eh bien, le bilan s'alourdit. L'ouragan Matthew qui aurait fait plus de 600 morts selon le dernier bilan de la Croix-Rouge en Haïti. Scène judiciaire, enfin, la Sûreté du Québec enquête sur une intervention survenue hier au pénitencier de Donnacona au cours de laquelle un agent correctionnel a ouvert le feu sur un détenu. Selon TVA, le détenu en question serait l'ancien joueur de la LNH, Patrick Côté. L'homme de 41 ans a un dossier criminel bien rempli. Il purge actuellement une peine de 42 mois de prison pour un vol de banque. Il serait blessé, mais sa vie ne serait pas en danger. Toujours selon TVA, Patrick Côté s'en serait pris violemment à un autre détenu au point de menacer sa vie, et c'est alors que l'agent correctionnel aurait tiré au moins un coup de feu après avoir tenté en vain de le maîtriser avec des armes plus douces.